Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم الصيام والقيام في هذا الشهر العظيم. J'implore الله تبارك وتعالى qu'il accepte de vous durant ce mois vos prières et votre jeûne. Nous allons entamer une série de cours sur la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et j'implore الله تبارك وتعالى qu'il nous fasse profiter pleinement de ces cours et qui nous permettent aussi de finir son étude jusqu'à la fin. La sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une expression du message qu'a porté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour la société humaine, par la parole et les actes. La vie du prophète retrace sa croyance, ses faits et gestes, ses propos, caractéristiques morales et physiques, sa prédication, ses joies, ses peines, en une phrase, tous les aspects de sa vie. L'étude de la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une des sciences les plus nobles parmi les sciences islamiques et une des plus illustres quant à ses objectifs. Elle permet de comprendre le Coran, où certains versets sont révélés, ou encore de nombreuses paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam qui, replacées dans leur contexte, prennent tout leur sens. Par cette étude, le musulman apprendra à connaître les aspects de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et ceux de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il prendra conscience de la lourdeur du message qu'a porté le messager sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années, subissant pour cette noble tâche toutes sortes de préjudices et d'épreuves. Il prendra aussi conscience que la vérité triomphe par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala dès lors que les conditions de ce soutien sont réunies. Il apprendra enfin à aimer le prophète et ceux qui l'ont soutenu dans sa mission parmi les compagnons. Je reviendrai sur ces points en détail inshallah tabaraka wa ta'ala dans un prochain cours. Depuis les premiers temps, les savants ont attaché de l'importance à l'étude de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en l'étudiant, en la rédigeant, en la commentant. Et ceci nous prouve l'extrême importance à la connaître, à l'étudier, à s'en imprégner, à agir en conséquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a été choisi et élu par Allah tabaraka wa ta'ala. Ce fut le plus grand serviteur d'Allah en adoration, le plus noble en caractère et en moralité, la personne la plus agréable et la personne la plus intègre dans les relations et les transactions. Ce fut le plus connaisseur d'Allah et celui qui réalisait le mieux les actes d'adoration. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a élu afin qu'il soit un ambassadeur entre lui et ses serviteurs, un intermédiaire entre lui et les gens concernant la mise en évidence du bien et la prédication vers la guidée. Allah l'a choisi par sa science parmi les meilleurs des êtres humains en ligne. Ce fut un homme extraordinaire sur bien des aspects. Mais aussi contradictoire que cela puisse paraître, il fut aussi un homme de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un homme avec ses joies et ses peines, avec ses forces et ses faiblesses. Allah en a fait un modèle pour les hommes et les djinns, ainsi qu'un guide pour les serviteurs d'Allah. Allah le Très-Haut a dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sourate 33, le verset 21. Vous avez certes en la personne de l'envoyé d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère la rencontre d'Allah et du jour dernier et qui évoque Allah fréquemment. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabarik wa ta'ala, a dit en commentaire de ce verset constitue un grand fondement concernant le suivi et le modèle à prendre en la personne de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes et l'ensemble de ses situations. Fin de citation. Il est clair et évident que le suivi de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam et le fait de marcher sur ses pas requiert une science, car nul ne peut suivre sa voie ou s'accrocher à sa guidée si ce n'est par la connaissance de sa vie, de ses mœurs et de ses qualités grandioses. C'est pour cette raison qu'il est très vivement recommandé pour chaque musulman de porter son attention à l'étude de la vie de ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, de connaître sa moralité afin de s'en imprégner. Il fut le meilleur des hommes, un guide et un modèle pour l'univers, et le meilleur des fils d'Adam. L'imam Abu al-Irfan Muhammad ibn Ali al-Sabban a dit « Inna mabadi'a kulli fannin ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'a al-ismu l'istimdadu hukmu al-shari'a masailu wal-ba'du bil-ba'du iktafa wa man dara al-jami'a haza al-sharafa. » Il dit ici que lorsqu'on propose, lorsqu'on nous présente une science, quelle qu'elle soit, il faut définir ces 10 choses que nous allons faire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela vous donnera un aperçu global de la science que nous allons aborder, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à savoir la biographie du prophète, etc. La première des choses qu'il dit est de définir, de donner la définition de cette science. Que signifie la sira dans la langue arabe et quel est son sens religieux? Dans la langue arabe, sira signifie la voie. Pour ceci que les Arabes disaient « فَلَا تَخْرُجَنَّ عَنْ سُنَّةٍ أَنْ تَسِرْتَهَا » Ne sors surtout pas de la voie sur laquelle tu cheminais. Donc la voie ici a été utilisée par le terme de sunna. Le terme de sunna signifie aussi l'apparence. Comme le diamant tabaraka wa ta'ala « قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى » Dans la sourate numéro 20, le verset 21, Allah dit tabaraka wa ta'ala à Moussa, prends ce bâton et n'aie pas peur, nous allons le ramener dans sa forme première, sirataha al-oula, c'est-à-dire en forme de bâton, après que celui-ci fut transformé en serpent. De même, la sunna dans la langue arabe peut signifier un exemple qui est connu chez les gens, qui est répandu chez les gens. Tous ces sens linguistiques ont un lien d'une manière ou d'une autre avec le sens religieux, qui est la vie du prophète, alayhi salat wa salam, sa voix, sa prédication, du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà la définition de la sira chez les savants. La vie du prophète, alayhi salat wa salam, sa voix et sa prédication, du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Deuxièmement, le sujet. De quoi traite cette science, la sira? Elle traite de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et des différentes situations qu'il a vécues, des différents événements de sa vie. Troisième chose à définir, les fruits de cette science, al-thamara. Les fruits de cette science, c'est que la personne va pouvoir assainir sa religion et la voie qu'il suit en prenant comme modèle le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous allons revenir sur les fruits de l'étude de la sira, inshallah tabaraka wa ta'ala, mais de manière synthétique et résumée, la personne qui va étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam va assainir, purifier sa religion et la voie qu'il suit en prenant comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont ses mérites? C'est la quatrième chose à définir. Quels sont les mérites de cette science? Quels sont les mérites de la sira? Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin qui est l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le petit-fils de Ali, a dit كنا نتعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتعلم سورة من القرآن. Nous apprenions les batailles de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم comme nous apprenions une sourate du Coran. Ismaïl ibn Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله تبارك وتعالى عنه, le fils du fameux compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas et le fondateur de la ville de Al-Kufa, a dit « Kana abi yu'allimuna al-maghazi »« Kana abi yu'allimuna al-maghazi wa ya'udduha alina » »« Mon père nous enseignait les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous les dénombrait. » Il dit « Ya bani, hadihi ma'athiru aba'ikum fala tudayi'uha » « Ô mes enfants, donc il s'adresse ici à ses enfants ou à ses élèves, voici les traces de vos ancêtres, ne les perdez pas. » Autrement dit, par la sira du prophète, on tend à préserver cet héritage de nos ancêtres. Nisbaton, à quoi s'affilie cette science? À quelle grande division s'affilie cette science? Cette science, comme vous le savez, et du ressort des sciences historiques ou liées à l'histoire. Al-Wadi'a. Al-Wadi'a, c'est-à-dire quel est l'instigateur de cette science. Qui l'a fondée, ou qui l'a mis en place, ou qui l'a fait connaître. Qui l'a fondée, qui l'a mis en place, ou qui l'a fait connaître dans les premiers temps. Nous avons en réalité plusieurs noms, et je reviendrai en détail sur ces noms-là, Inch'Allah, dans un prochain cours. Mais on peut citer tout d'abord Ibn Ishaq, qui a écrit un ouvrage sur la sira du prophète alayhi salatu wa salam, et qui constitue un des ouvrages de référence les plus anciens qui nous soit parvenu. Mais il ne nous est pas parvenu d'une manière complète. Nous avons aussi Ibn Hisham, qui est un de ceux qui se sont appuyés dans leurs ouvrages sur le travail de Ibn Ishaq auparavant. Ibn Hisham est postérieur à Ibn Ishaq. Il a donc résumé le livre d'Ibn Ishaq, il l'a assaini, il l'a corrigé et il a rajouté d'autres choses qui ne se trouvaient pas dans la version d'Ibn Ishaq. Nous avons aussi le grand savant Moussa ibn Uqba. Moussa ibn Uqba, qui a rédigé un livre qui s'appelle Al-Marazi. Ce livre a été perdu. On a retrouvé quelques bribes d'un manuscrit, mais il a été en majeure partie perdu. L'imam Malik dit de Moussa ibn Uqba, « Alaykum bi kitab Moussa ibn Uqba fa innahu siqa » Étudiez le livre de Moussa ibn Uqba, c'est-à-dire sur la sira, car c'est un homme intègre et fiable. Et nous avons aussi, bien plus tard, au 8e siècle de l'Hégire, le fameux ouvrage Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Bien sûr, ici la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai donné les noms les plus emblématiques et les plus connus. Quel est le nom de cette science? On l'appelle As-Sir. Le 8e point, Al-Istimdad. Sur quoi s'appuie cette science? Comme n'importe quelle science religieuse, elle s'appuie sur le livre d'Allah et sur la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam en premier lieu. Puis, elle s'appuie sur les livres des marazi, c'est-à-dire des batailles du prophète alayhi salatu wassalam, ou à kutub al-shama'il, les livres qui reprennent les caractéristiques morales et physiques du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les livres de langue arabe. Voilà les références de base pour l'étude de la sira. Le livre d'Allah, la sunna authentique, les livres des marazi, qui sont les livres des batailles du prophète à Sattwa Salam, car c'est ainsi que l'on appelait les livres de la biographie du prophète à l'époque. Les livres des shama'il, c'est-à-dire les livres qui reprennent l'ensemble des caractéristiques morales et physiques du prophète à Sattwa Salam, et les livres de langue arabe, notamment pour les poèmes. Neuvième considération à prendre, le besoin. Quel est le besoin que l'on a d'apprendre la sira? C'est de connaître, en réalité, les différents aspects de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et enfin, dixièmement, quel est son statut religieux? Est-ce obligatoire ou recommandé? Quel est le statut religieux concernant le fait d'apprendre la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'étudier? En réalité, si on considère la vie du prophète dans sa globalité, c'est-à-dire connaître la vie du prophète de manière globale, alors c'est une nécessité religieuse. Chacun d'entre nous se doit de connaître les grands événements et les grandes informations importantes de la vie du prophète, comme son nom, le nom de son père, le nom de sa tribu, l'endroit où il est né, l'endroit où il est mort, combien de temps a duré sa prédication à la Mecque, combien de temps elle a duré à Médine, comment le Coran est descendu sur lui. Voilà, de manière générale et globale. Ça, c'est une obligation religieuse qui incombe à tout croyant. Ensuite, rentrer dans les détails, ceci est plutôt demandé pour les étudiants en sciences et à plus forte raison les savants, qui doivent connaître la vie du prophète dans ses détails. En ayant évoqué ces 10 points, nous avons déjà un aperçu global de ce qu'est la sira du prophète, quels sont ses objectifs, quels sont ses fruits, quels sont ses mérites, quelles sont les références sur lesquelles on doit s'appuyer pour étudier la sira du prophète, quels en sont ses instigateurs et ses précurseurs. Tout ceci nous aidera, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, à comprendre ce que nous évoquerons demain, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, sur les avantages et les bénéfices que l'on peut tirer sur l'étude de la moralité et du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.